Il a ici aussi été connu aussi dans, disons, dans la, le phénomène de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et c'était un bonhomme qui portait un nom intéressant, Souffrance. Paine. On ne l'a presque pas vu, Thomas Paine. Il est venu juste pour rédiger et il est disparu. Et on le reconnaît aussi sous d'autres phénomènes à un moment donné. Mais c'est un personnage intéressant. La conférence est donc finie. La semaine prochaine, pourquoi avoir un nom? Ceux que ça intéresse, on vous invite. En attendant, prenez soin de vos cellules.